de qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre avec le Tawhid et le livre du Tawhid. Donc le cheikh explique que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a voulu clarifier par ce chapitre que le Tawhid implique et yani, c'est-à-dire que le Tawhid ça implique et ça comprend également le fait de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge et de retourner à lui durant sa vie et de retourner à sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam dans les questions de divergence, et que ça fait partie des choses qui sont impliquées directement par les deux témoignages, c'est-à-dire lorsqu'on prononce Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc ça, quand on dit cette phrase, ça implique automatiquement que on va prendre pour juge le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes nos divergences et dans tous nos problèmes. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un prononce le shahadatain puis que par la suite il se détourne vers un jugement autre que celui du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il avait menti dans son témoignage. C'est comme s'il avait menti quand il a prononcé le shahada. Il ne l'a pas prononcé de façon sincère. Le shaykh il dit ensuite, en expliquant le verset, Alam tara istifhamu ta'ajjubin wa stinkar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 60, il commence en disant Alam tara en arabe, c'est-à-dire n'as-tu pas vu, hein, n'as-tu pas vu. Cheikh il dit que ça c'est yani une question que Allah subhanahu wa ta'ala pose, c'est une question d'étonnement et de condamnation en même temps. C'est comme si yani une question d'étonnement par rapport à qu'est-ce que ces munafiqin ont fait et de condamnation par rapport au mal qu'ils font, et de mentionner que c'est quelque chose qui est détestable. Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu ila akhir al-aya ay yad'un al-iman bidhalik wa hum kadhibun yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي يتخاصموا. Donc le cheikh il dit, n'as-tu pas, donc il explique la suite du verset, il dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils ont cru en Allah, ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été révélé sur toi et en ce qui a été révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le taghout. Donc le cheikh explique que ces gens-là, ils prétendent d'avoir la foi en ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé avant le prophète, mais ce sont des gens qui mentent, c'est-à-dire ce sont des menteurs. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa huwa kathir at-tughyan wal murad huna Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi wa huwa yashmalu kull man hakama bighayri ma anzala Allah. Donc le cheikh explique la suite du verset en disant qu'ils veulent prendre pour juge, c'est-à-dire lorsqu'ils ont des désaccords et des disputes, ils veulent retourner dans ces disputes-là au tarout. Et le mot tarout, le cheikh il explique que c'est celui qui transgresse beaucoup, c'est celui qui transgresse beaucoup ou souvent. Et on veut dire par là, dans ce verset en particulier, dans le contexte pour lequel le verset a été révélé, on parle d'un individu spécifique, c'est-à-dire Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un juif à l'époque. Et parfois les gens retournaient vers lui pour juger. Donc, ça implique celui-là, mais le cheikh explique que également ça comprend toute personne qui juge par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Qui juge par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc c'est pas juste limité à cet individu, mais ça comprend toute personne qui rentre dans cette caractéristique et dans cette description. Ensuite le cheikh il dit an yakfuru bih ay yarfudu ta'at at-taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, c'est-à-dire ils ont, alors qu'ils ont été ordonnés de ne pas croire en le Tahout et de rejeter l'obéissance au Tahout. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Le Cheikh il dit, يُرِيدُ الشَّيْطَانُ بِأَمْرِهِ لِهَؤُلَاء وَتَزْيِينِهِ لَهُمْ التَّحَاكُمْ إِلَى الطَّاغُوتِ أَنْ يُضِلَّهُمْ أَنْ يَصُدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْهُدَى ضَلَالًا بَعِيدًا فَيَجُورُ بِهِمْ جَوْرًا شَدِيدًا. Donc le Cheikh il dit que, et par cela le Shaytan veut les égarer d'un égarement lointain, c'est-à-dire en leur ordonnant et en leur embellissant le fait de juger par le Tahout. Il veut par cela les égarer, c'est-à-dire les détourner du droit chemin, du chemin de la vérité et de la guidance, vers un égarement lointain pour les amener vers l'injustice et les faire tomber dans une grande injustice. Et là, donc, ça c'est par rapport à ce verset. Ensuite, dans la suite du verset, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Donc, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أي في القرآن من الحكم بين في القرآن من الحكم بين الناس وإلى الرسول ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. C'est-à-dire, lorsque on leur dit à ces gens, à ces munafiqin, à ces personnes qui prétendent avoir la foi en ce qu'Allah a révélé, qui prétendent croire en ce qui a été révélé au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en ce qui a été révélé avant lui, et qui veulent prendre pour juge le Tahout, c'est-à-dire qui veulent prendre pour juge autre que la loi qui est révélée par Allah, autre que le Coran et la Sunna. Donc tu les vois qui s'écartent, et le shaitan, ils ont été ordonnés de rejeter la foi en le Tahout, malgré tout ils veulent juger par cela, et le shaitan essaie de les égarer d'un égarement lointain. Et quand on les appelle à juger selon ce qu'Allah a révélé dans le Coran, pour juger entre les hommes, ou bien de les ramener au messager sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils jugent entre eux dans les divergences qu'ils ont. رأيت المنافقين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون, c'est-à-dire tu vois les munafiqin, ceux qui prétendent la foi alors qu'ils sont menteurs, يصدون يعرضون في موضع نصب على الحال عنك إلى غيرك صدودا مصدر ضد مصدر صد أو اسم مصدر. Donc tu vois les hypocrites, leur réaction quand ils sont appelés à Allah, c'est qu'ils ils se détournent. Ils se détournent du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers autre que lui. Donc ça c'est l'attitude des hypocrites. Lorsqu'on les invite à juger selon le Coran et selon la Sunna et selon les règles du Coran et de la Sunna, eh bien, ils cherchent un moyen pour se détourner de ce jugement-là et de ce verdict-là. Et ça, ça s'applique également à des personnes aujourd'hui. Lorsqu'on les appelle à juger selon le Coran et la Sunna, ils se détournent, ils refusent. Que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le manhaj, que ce soit dans les questions qui ont rapport avec tout autre aspect de la vie. C'est pas seulement dans les jugements par rapport aux punitions et aux peines, mais également dans, fondamentalement, ça commence par les questions qui ont rapport avec la foi. Lorsqu'on veut juger entre les différentes sectes et les différents groupes d'égarements et de bid'ah. Ou bien également les gens qui cherchent par exemple quand on les appelle à juger dans les questions de manhaj, quand il y a des divergences dans ces questions-là, on les appelle à revenir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs salih, et on voit qu'ils refusent de revenir. Donc ça s'applique également à ces gens-là. C'est l'attitude des hypocrites. Et également dans les autres questions de la vie, que ce soit dans les questions de de jugement par rapport à la politique, ou par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport aux héritages, par rapport aux autres aspects de la vie aussi. Donc, leur caractéristique à ces munafiqins, c'est qu'ils se détournent. Ils refusent de venir au jugement d'Allah et de son messager. فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون إذا أصابتهم مصيبة إذا نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه بما قدمت أيديهم أي بسبب التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك هل يقدرون على الفرار منها ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون معطوف على إصابة على أصابتهم أو على يصدون. Donc le cheikh explique que ensuite, comme on a mentionné, comment agiront-ils? فكيف إذا أصابتهم مصيبة? Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce que leurs mains ont préparé? Cheikh explique quand Allah il dit فكيف, c'est-à-dire qu'est-ce que va être leur état? Hein, et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont être frappés d'un malheur qui va tomber sur eux, que ce soit un châtiment ou bien qu'ils soient tués ou autre chose de ce genre, à cause de ce que leurs mains ont préparé, à cause du fait qu'ils ont été jugés vers autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à cause du fait qu'ils ont été satisfaits d'autre que ton jugement, c'est-à-dire d'autres que le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils vont être capables de s'enfuir de ce châtiment et de ce malheur qui va les atteindre? Donc ça c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pour les blâmer et les réprimander. ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون معطوف على اصابتهم او يصدون. Donc, par la suite, ils viennent vers toi. C'est-à-dire que ces munafiqin, ils vont venir vers toi pour s'excuser. Ils vont venir s'excuser après qu'ils ont été frappés par un malheur. Hein. Et ils vont donner comme excuse « إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِقًا » Donc, leur excuse, c'est quoi? C'est qu'ils vont dire lorsqu'on est allé prendre pour juge autre que toi et chercher le jugement d'autre que toi, on a voulu faire ça que pour le bien. C'est-à-dire, on voulait faire la réconciliation entre les gens. وَتَوْفِيقَ أي تَأْلِيفًا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَلَمْ نُرِدْ مُخَالَفَتَكَ. C'est-à-dire, ils vont dire, on voulait juste essayer de réconcilier et de ramener les deux parties ensemble pour les réunir. On ne voulait pas te contredire. Donc ça, c'est leur prétexte. Le cheikh explique le verset général, le sens général du verset. المعنى الإجمالي للآيات أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر عباده المؤمنين أن يكفروا به ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق ويبعدهم عنه وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا إعراض استكبار وتمنع فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول في ذلك ليدعو الله لهم ويحل مشاكلهم فجاءوك يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته في عدولهم إلى غيره وإنما أراد الإصلاح والتأليف بين الناس فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرروا فعلهم حينما يفتضحون. Donc le cheikh explique le sens général du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dénoncer les gens qui prétendent avoir la foi en ce qui a été révélé sur son messager et sur les prophètes avant lui, alors qu'ils veulent juger par dans les disputes qu'ils ont entre eux et dans les divergences qu'ils ont, ils veulent juger par autre que le livre d'Allah et autre que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent juger par le tarout, que Allah nous a ordonné, ordonné aux croyants de rejeter et de renier. Mais le shaitan cherche par cela à les égarer, à égarer ceux qui cherchent à juger par le tarout du chemin de la guidance et de la vérité pour les en éloigner. Et lorsqu'on appelle ces gens-là pour juger au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils s'en détournent par arrogance et par refus. Alors que sera leur état et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'un malheur va tomber sur eux et qu'ils auront besoin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux pour régler leurs problèmes? Alors à ce moment-là, ils viennent et cherchent à s'excuser de ce qu'ils ont fait, du fait qu'ils ont jugé par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, par autre que le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent s'excuser en disant qu'ils n'ont pas voulu le contredire. Ils n'ont pas voulu le contredire en se détournant de son jugement vers le jugement de quelqu'un d'autre, mais qu'ils ont uniquement cherché la réforme ou le bien et à réconcilier entre deux personnes ou des choses comme ça. Donc ils montrent cette fausse excuse pour essayer de justifier leur action lorsqu'ils se font démasquer et qu'ils se font prendre. Le cheikh il dit « Ma yustafadu min al-ayat » Qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut extraire comme point bénéfique de ces versets ? أولا وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرضا بذلك والتسليم له. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer premièrement comme point bénéfique de ces versets, c'est que il est obligatoire de juger par le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et d'être satisfait de ce jugement et de s'y soumettre, et ça bien entendu c'est obligatoire, que ce soit un jugement en notre faveur ou un jugement qui est contre nous, dans les deux cas. C'est pas seulement quand le jugement est en notre faveur qu'on doit être content, puis que lorsque c'est contre nous, alors là on se fâche. Non, si on est un mu'min, on doit être satisfait du jugement d'Allah, que ce soit pour ou contre nous. Et c'est ça le signe de la foi. Tandis que les munafiqin, ils sont satisfaits seulement lorsque le jugement est en leur faveur. Et s'ils trouvent que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala vient condamner quelque chose qu'ils ont fait, ou bien montrer qu'ils sont dans le tort, eh bien là, ils se détournent du jugement d'Allah. Ils vont seulement chercher à juger par le jugement d'Allah quand c'est en leur avantage. Et ça, c'est le comportement des munafiqin, comme on a dit. Le point numéro 2, أن من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح. Donc le cheikh explique que celui qui cherche comme jugement autre que celui de la charia de l'islam, alors il n'est pas croyant. Et il dit que lorsqu'il juge par autre que la loi d'Allah, il ne fait pas de bien et il n'est pas en train de faire de la réforme, même s'il prétend que son intention c'est de faire le bien et de réformer les choses. Donc toute personne aujourd'hui qui prétend ou qui appelle les gens à juger par une charia autre que la charia d'Allah, autre que la charia de l'islam, alors c'est pas un croyant, c'est pas un croyant, même s'il prétend vouloir faire le bien. Et combien maintenant on voit de gens, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, des gens qui parfois pensent que en contredisant la loi d'Allah on va ramener du bien, plus de bien que si on applique la loi d'Allah ou la charia d'Allah. Hein? Et même parmi ceux qui, soi-disant aujourd'hui, se prétendent des islamistes, hein, et qui prétendent vouloir établir la charia d'Allah, et lorsqu'ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'on constate de leur part? C'est qu'ils ne veulent pas appliquer vraiment la charia d'Allah, et qu'ils se détournent de l'application de la charia d'Allah. Hein? Donc c'est un exemple que ces gens-là, qui montrent que ces gens-là, ils veulent seulement le pouvoir et ils ne veulent pas vraiment établir la loi d'Allah, parce qu'ils ont fait croire aux gens, comme certains d'entre eux, j'ai entendu moi-même avec mes oreilles, ils disent, nous on va écouter la volonté du peuple. Nous on va écouter la volonté du peuple. La volonté du peuple, elle est au-dessus de toute autre chose. Donc, ça c'est grave, hein? Puisque la volonté d'Allah et la charia d'Allah, c'est ce qui est au-dessus. Et sinon, alors ça veut dire qu'on met la parole des hommes et la volonté des hommes au-dessus de la religion d'Allah. Donc ça, c'est pas la parole d'un mu'min. Hein? Ça, c'est clair. Et ça, c'est plutôt des notions qui viennent des kuffars avec leur notion de démocratie et d'autres notions semblables, comme la laïcité et des trucs comme ça. Donc le croyant, il doit être satisfait de la religion d'Allah. Il doit être satisfait de la charia d'Allah. Hein? S'il dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et puis lorsque c'est le temps de juger dans des questions qui ont rapport avec la religion ou la dunya, il dit non, je ne veux pas juger par la loi d'Allah, je veux juger par la loi qui a été écrite par Napoléon ou bien par la loi qui a été écrite par tel ou tel parmi les philosophes ou bien par la loi écrite par écrit par les Anglais ou les Français ou les Américains ou les Suédois ou les Russes ou je ne sais pas quel autre peuple qui sont pas qui jugent pas par la loi d'Allah. Alors ça, c'est pas l'attitude du mu'min. Et cette personne, elle doit remettre en question, hein, sa conviction et sa foi. Comment elle peut se contredire de cette façon? Comment elle peut dire oui, je crois en Allah, je crois en l'islam, je crois en ce qui est dans le Coran, et je crois en ce qui est dans la sunna, et tout ce qui est dedans, c'est la vérité, et il n'y a rien qui est meilleur, et ce qui vient de Dieu, c'est qu'est-ce qui est au-dessus de tout. Et lorsque c'est le temps d'appliquer ces paroles-là, eh bien il dit non, mais je ne veux pas appliquer la loi d'Allah ou la charia d'Allah, ça ne convient pas, ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas l'attitude d'un croyant, hein, parce que ça, c'est une contradiction dans la foi de quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne, elle a une contradiction en elle-même et elle ment quand elle prétend être croyante, hein, et qu'elle ne croit pas vraiment en l'islam, même si elle prétend croire en l'islam, hein, parce qu'elle préfère des lois que les hommes ont fait au lieu des lois qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, le cheikh, il dit à ce sujet-là, « Anna man hakama bi ghayri ma anzal Allah, fa huwa ta'agout. » ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. Le cheikh, il dit que celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors c'est un taghout. Celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors il prend pour juge le taghout, même s'il l'appelle cette chose qu'il prend pour juge, hein, ou comme référence, même s'il l'appelle autre chose que le tarot. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont des questions qui ont rapport avec la dunya ou bien la religion, ils vont retourner à des lois ou à des chartes faites par les hommes qui sont en contradiction avec le Coran et la sunna. Et ils vont dire non, nous on va retourner à la loi, on va retourner à la charte, on va retourner au droit de tel ou de tel pays, ou de telle ou de telle législation, ou de telle constitution, ou de telle ou de telle déclaration, hein, que ce soit les droits de l'homme, ou bien que ce soit n'importe quelle autre loi que la loi d'Allah. Alors celui qui dit ça, hein, il a jugé par le tarot. Et ces lois-là sont le tarot, sont des formes de tarot, même si on les appelle par d'autres noms. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'on les appelle par un autre nom, ça fait pas changer la réalité de qu'est-ce que ces choses-là sont réellement. C'est-à-dire, elles sont un tarot, une forme de tarot, même si les gens les appellent pas le tarot. Hein? Donc, toute loi qui contredit une d'entre les lois d'Allah, qui est dans le Coran, dans la Sunna, eh bien, c'est un tarot, peu importe comment on l'appelle. Et peu importe que cette loi, elle soit faite par quelqu'un qui est chrétien ou juif ou athée, laïque ou autre, ou bien par quelqu'un qui se dit musulman, c'est la même chose. C'est-à-dire, du moment que cette loi contredit le Coran et la Sunna, cette loi, on l'appelle tarot. Hein? Et celui qui appelle à juger par autre que ce qu'Allah a révélé, c'est un tarot, comme le cheikh explique. Il dit ensuite, comme point numéro 4, Wujubul kufri bit tarot, c'est-à-dire l'obligation de renier le tarot et de ne pas croire en ce tarot. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de croire en une loi qui contredit le Coran et la Sunna, hein, et de croire en ça. Si quelqu'un croit en qu'est-ce qui contredit le Coran et la Sunna, alors il croit au tarot. Donc, si par exemple quelqu'un, par exemple, il est musulman, il vit dans un pays musulman ou dans un pays non musulman, et qu'il y a une loi parmi ces lois que les hommes ont écrites ou inventées, qui rend halal ce que Allah a déclaré haram, ou qui rend haram ce que Allah a rendu halal, alors le musulman doit renier cette loi et il ne doit pas y croire dans son cœur, il doit la rejeter. Hein, il doit renier cette loi, sinon il n'est pas croyant. Hein, sinon il n'est pas croyant. Comme si par exemple dans un pays, une loi dit un homme a le droit de marier un homme et une femme a le droit de marier une femme. Alors c'est interdit pour un musulman d'être d'accord avec cette loi et de l'accepter ou d'y croire. Hein, il doit la renier, il doit la rejeter et croire que cette loi elle est fausse et qu'elle contredit la révélation d'Allah. Hein, si une loi par exemple dans la charia dit par exemple que l'homme il a droit au double de la part de la femme dans l'héritage et que lui il vit dans un pays où on donne à l'homme et à la femme une part égale dans l'héritage, eh bien le musulman il n'a pas le droit de croire en cette loi puisqu'elle contredit qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Il doit renier cette loi et croire en qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Si il croit que cette loi qui est faite par les hommes et qui contredit la charia, elle est bonne, hein, et qu'il croit que c'est permis, hein, il la rend halal ou des choses comme ça, ça c'est kufr, ça c'est clair. Hein. Et s'il la préfère, c'est encore plus clair que c'est kufr. Hein. Donc il faut renier ça parce que c'est un tarot. Hein. Et ça s'applique pas seulement à ces choses-là, mais à tout. Hein. S'il y a une loi, par exemple, dans un pays qui dit un homme a le droit d'adorer ce qu'il veut, que ce soit le soleil ou la lune, une tombe ou une idole. Hein? Alors, si il y a cette loi-là dans un pays, le musulman il n'a pas le droit de reconnaître cette loi ou d'y croire. Il est obligé de renier ce genre de loi parce qu'elle rend halal le shirk. Hein? S'il y a une loi dans un pays qui dit toutes les religions sont bonnes, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, tout le monde a le droit par exemple, d'avoir des rapports sexuels lorsque ce sont deux adultes consentants. Hein? Donc ça, c'est des exemples de choses qui contredisent la loi d'Allah. Donc c'est interdit pour un croyant d'être satisfait de ce genre de lois-là et de les accepter. Et il est obligatoire aux croyants de les renier. Donc ça, c'est des exemples que je donne pour que ce soit un peu plus clair. Et ça, c'est des choses, le croyant, il ne doit pas hésiter à affirmer ces principes-là et à croire en ces principes-là. Et il ne doit pas se sentir mal à l'aise d'affirmer ces choses-là. Parce que c'est des choses qui ont rapport avec les fondements de l'islam et les bases fondamentales de la croyance islamique. Donc, si quelqu'un hésite dans ces choses-là ou a des doutes sur ces questions-là, eh bien, c'est quelque chose qui peut être dangereux et aller pour sa foi. Surtout qu'on sait qu'à notre époque, les koufars sont en train de mener une guerre

détruire ces amalgames et ces mensonges qui sont propagés aujourd'hui par ces individus. Et la même chose aussi, j'aimerais mentionner par rapport à l'autre, Jamila Ben Habib, aussi qui a écrit un article dans le journal de Montréal, dans son blog du journal de Montréal, et qui parlait d'un groupe en Tunisie qui font des manifestations avec des banderoles ou des drapeaux noirs. Eh bien, elle a appelé cette banderole la banderole des salafistes, hein, ou le drapeau des salafistes, et elle les a qualifiés de salafistes. Eh bien, j'aimerais clarifier que ces gens-là, ce ne sont pas des salafis, et que les salafis sont contre les manifestations, hein, contre le gouvernement ou contre le dirigeant ou des choses de ce genre, et ils n'ont pas de drapeau noir non plus. Hein. Donc, de prétendre ces choses-là au sujet des salafis, c'est un mensonge. Hein. C'est la preuve que la personne est soit une ignorante ou soit une personne mal intentionnée qui veut déformer la réalité et mettre sur le dos des salafis ce dont ils sont innocents. Donc je prends l'occasion pour clarifier tout ça, Inch'Allah. Ensuite, le Cheikh il dit, comme point numéro 5, « At-tahziru min kaydi shaytan wa saddihi al-insan an al-haqq » l'avertissement contre les ruses du shaytan et le fait qu'il essaie de détourner les hommes de la vérité. Donc, ceux qui appellent à juger par autre que la loi d'Allah, ils suivent les ruses du shaytan là-dedans, qui essaie d'égarer les gens de la vérité. Le point numéro 6. أن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول فإن أعرض فهو منافق. Donc le cheikh il dit que celui qui est invité à juger selon ce que Allah a révélé, il est obligatoire pour lui de répondre et d'accepter cette invitation. Et s'il le refuse ou il s'en détourne, alors c'est la preuve que c'est un hypocrite. C'est la preuve que c'est un munafiq. Hein? Lorsque tu appelles un hizbi, ou un ikhwani, ou un tabliri, ou un takfiri, ou un khariji, à revenir au Coran et à la sunna, et à laisser tomber la bid'ah, et qu'il continue, et qu'il refuse de venir au jugement d'Allah et du messager, c'est la preuve qu'il agit comme un munafiq. Hein? Lorsque tu appelles au tawhid, les gens qui adorent les tombes, et qui adorent les morts, et qu'ils refusent, hein, c'est l'attitude des munafiqines. Si tu appelles quelqu'un à juger à juger selon le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans des affaires familiales, dans des affaires conjugales, dans des affaires qui ont rapport avec l'héritage, qui ont rapport avec n'importe quelle autre loi dans la vie, eh bien, il agit comme un munafiq. Hein? Le cheikh il dit comme point numéro 7, « Anna da'wa qasd l'islah laysat bi'uzrin fil hukm bighayri ma anzal Allah. » Le cheikh il explique comme point numéro 7 que celui qui prétend vouloir le bien, ça c'est pas une excuse valable dans le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. C'est pas une excuse valable de sa part. Naam. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans les versets 60, 61 et 62 dans cette sourate. Bien entendu, il y a d'autres explications, d'autres détails qu'on va mentionner dans la suite du chapitre, inshallah, comme le verset 11, dans sourate Al-Baqarah. Le Cheikh il mentionne, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ce verset dans ce chapitre. Il mentionne donc la parole d'Allah. Wa qawlihi wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui signifie? Et lorsqu'on leur dit ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Hein? On vient seulement pour réformer, pour ramener le bien, hein? pour corriger les problèmes, à amener quelque chose de mieux, faire de la réforme, comme ils se prétendent, hein, comme Tariq Ramadan qui se dit maintenant un salafiste réformateur. Hein. On peut lui poser la question très simple. elle est où ta aqida, la aqida des salaf? Est-ce que c'est la aqida des salaf que tu défends? Hein? On peut très bien comprendre que sa aqida, c'est pas la aqida des salaf, puisqu'il défend toutes les bid'ah, la bid'ah des shi'a, il la défend, la bid'ah des khawarij, il la défend, la bid'ah des soufiya, il la défend, la bid'ah des mu'tazila, il la défend. Il n'y a pas une bid'ah acceptée qu'il la défend. Comment cette personne peut par la suite se prétendre salafiste? Hein? Et en plus prétendre qu'il est salafiste réformiste. Allahu al-musta'an. Donc salafi là, c'est pas une banderole là, ou une bannière que n'importe qui peut soulever comme ça. Non. Si quelqu'un soulève cette bannière, on a le droit de lui demander les preuves derrière cette parole. C'est pas une parole qui est vide de sens. C'est pas une chose que quelqu'un peut juste dire comme ça avec sa bouche, je suis salafi, et que c'est fini par la suite. Non. Il y a des choses qui viennent avec. Il y a un manhaj qui est relié. Il y a une aqida qui est reliée. Et si la personne, quand on voit ses paroles et ses actions, que c'est en contradiction avec ses principes et ses fondements, on peut clairement et directement mentionner à cette personne, tu n'es pas salafi. Tu n'es pas sur la sunna. Tu défends la bid'a. Et tu t'allies avec les gens de bid'a. Alors tu n'es pas un salafi. Tu es un mubtadi'. Hein? C'est ça la réalité. C'est pas juste de dire je veux faire la réforme. Hein? Donc le cheikh explique ce verset. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Hein? Et lorsqu'on leur dit hey, les munafiqin. Lorsqu'on dit à ces gens-là, parmi les munafiqin, la tufsidu fil ard, ne faites pas de désordre sur la terre, bil kufri wa ghayrihi min anwa' al ma'asi, c'est-à-dire ne faites pas de désordre sur la terre par le kufr, hein, en propageant la mécréance, ou par autre, parmi n'importe quel autre parmi les différentes sortes de péchés et de désobéissance. Hein? Donc lorsqu'on leur dit cessez de faire ces choses-là et de répandre le désordre sur la terre, parce que c'est ça le désordre. Le désordre c'est quoi? Le désordre c'est le shirk. Le désordre c'est le kufr. Le désordre c'est les bid'ah. Le désordre c'est tout ce qui est haram, des péchés, des choses de ce genre. Hein? Le fait de juger par autre que la loi d'Allah, le fait d'appeler aux innovations, hein? C'est tout ça, ça rentre là-dedans. Hein? Et des fois par exemple, comme une fois Cheikh Rabi, il expliquait dans une réponse qu'il a donnée. Il a dit, il y a des gens de bid'ah, ils inventent des adorations, comme les soufis, les shi'a, les khawarij et tout. Ils inventent des adorations, ils disent, ça fait partie de l'islam. Ils disent, ça c'est dangereux. Ils disent, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils font que condamner les gens qui inventent des lois parmi les politiciens ou des choses comme ça, qui appellent à des lois humaines. Hein. Toutefois, ces politiciens-là qui font ces lois-là, ils disent pas, par exemple, ça c'est des lois religieuses. Nous, qu'est-ce qu'on amène, ça fait partie de l'islam. Ils ne disent pas ça. Tandis que les mubtadi'a, les gens de bid'a, eux, ils inventent des choses dans la religion et ils disent, ça c'est des adorations, si vous les faites, Allah va vous aimer, vous allez vous rapprocher d'Allah. Ils sont en train donc de faire des lois dans la religion. Et ça c'est encore plus dangereux parce que les politiciens, les laïcs, hein, ceux qui appellent à faire des nouvelles lois, des choses comme ça, quand ils les font, ils ne disent pas aux musulmans, ça c'est des lois de l'islam, si vous faites ça, vous rapprochez d'Allah, ça vient de l'islam. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent seulement, ça c'est des lois, nous on a ramené ça. Tandis que les mubtadi'a, eux, ils sont en train de mentir à propos d'Allah, mentir à propos de son messager directement, en attribuant à la religion des choses qui n'en font pas partie. Et les gens qui suivent ces gens-là, dans leur bid'ah, ils sont en train de légiférer dans la religion d'Allah et dans l'adoration. Il y a des gens qui excluent complètement cette chose-là, ils ne mentionnent même pas ça, alors que c'est beaucoup plus dangereux. Hein? Donc ça, c'est un point important. Ça fait partie de ceux qui font le désordre sur la terre. Après, le cheikh, il dit, وَإِنَّمَا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَلَيْسَ نَحْنُ فِيهِ بِفَسَادٍ. C'est-à-dire, ils prétendent qu'ils ne sont que des réformateurs. Ils disent, on veut juste faire du bien, on ne veut pas ramener de désordre en faisant ça. Et ça, c'est l'excuse de tous les munafiqins qui appellent à faire des choses qui contredisent l'islam. ils font des choses qui contredisent l'islam et après ils disent, mais nous on veut le bien pour, par ça. Hein? C'est comme par exemple dans les pays musulmans. Lorsqu'il y avait des écoles, par exemple une école qui est mélangée, qui est séparée, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Et ça, ça les dérange. Parce que c'est des gens qui veulent le désordre, qui veulent la perversité, qui veulent le zina, qui veulent les désordres sociaux. Alors, ils critiquent ça. Et ils appellent les responsables dans les pays musulmans où on applique l'islam à cesser de séparer les sexes dans les écoles. Et ils disent, mélangeons les garçons et les filles. Il y a du bien là-dedans. On veut faire le bien. Hein? Donc, ils veulent... Hein, lorsqu'on leur dit arrêtez de faire du désordre, ils disent non, nous on veut seulement faire la réforme, on veut ramener du bien. Ça va être mieux pour les garçons et les filles, ils vont mieux se connaître, ils vont mieux se comprendre. Hein. Il y aura moins de conflits entre les hommes et les femmes plus tard quand ils vont être mariés. Hein. Pourtant, regardez chez les koufars, depuis le temps qu'ils ont séparé, cessé de séparer les sexes dans les écoles, parce qu'au début du siècle, toutes les écoles étaient séparées, garçons d'un côté, filles de l'autre. Depuis qu'ils ont mélangé ces sexes dans les écoles, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de compréhension entre les garçons et les filles maintenant? Et qu'il y a plus de, qu'il y a moins de problèmes dans les mariages? Hein? C'est plutôt le contraire. Hein? Donc, tout ça, c'est justement des exemples. Comment ces gens-là cherchent des excuses pour prétendre qu'ils veulent faire le bien quand ils font du désordre? Le cheikh explique le sens général de ce verset là, il dit المعنى الاجمالي للايه ان الله سبحانه وتعالى يذكر من صفات المنافقين انهم اذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الارض بحلول العقوبات وامروا بالطاعه اذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الارض بحلول العقوبات وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض أجابوا بأن شأننا الإصلاح لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les caractéristiques des hypocrites et parmi leurs caractéristiques il y a le fait que lorsque on leur interdit de faire certains péchés qui vont causer du désordre sur la terre et qui vont faire tomber des châtiments sur les hommes hein, et sur la terre et qu'ils sont ordonnés d'obéir et que ils hein, parce que l'obéissance c'est ce qui va ramener la réforme et le bien sur la terre, ils répondent en disant qu'ils veulent uniquement faire du bien et qu'ils veulent faire de la réforme et ramener du bien. Pourquoi? Parce que pour eux, la conception qu'ils ont, c'est que le désordre, c'est ça le bienfait, c'est ça la réforme. Parce qu'ils ont une maladie dans leur cœur. Donc pour eux, le désordre, c'est la réforme. Et pour eux, la réforme, c'est le désordre. Hein? Donc ils ont une conception qui est corrompue à cause de la maladie qu'ils ont dans le cœur. Ils voient le bien comme étant mal, et ils voient le mal comme étant bien. Et il dit مناسبة الآية للباب أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. Donc le cheikh il dit que l'occasion de ce verset dans ce chapitre, hein, pourquoi on le mentionne dans ce chapitre ce verset, c'est parce que celui qui appelle à juger par autre que la loi d'Allah ou qui appelle à faire des péchés, alors il a commis une des plus grandes formes de désordre sur la terre. Hein? Donc ça c'est la réponse à ceux aujourd'hui qui disent il faut délaisser la charia, hein? Il faut ramener des nouvelles lois faites par les hommes, hein? Parce que ça c'est plus propice, c'est mieux pour les hommes, c'est mieux adapté à notre époque ou des choses de ce genre. Ils prétendent vouloir faire le bien alors qu'en réalité qu'est-ce qu'il ramène? C'est le désordre. Et qu'est-ce qui crée la corruption sur la terre? Et c'est ce qu'on constate. Hein? Et c'est ce que les gens constatent. Tout le monde, que ce soit des croyants ou des non-croyants, ils sont obligés de constater qu'il y a du désordre actuellement sur la terre. Et même les koufars eux-mêmes, ils ne font que se plaindre que la société va mal, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. La différence là-dedans, c'est entre le mu'min et le kafir, hein, il y a la différence, c'est la foi. Et c'est le fait que le mu'min, il reconnaît les faits et la réalité et il se soumet à Allah. Tandis que le kafir, il s'enfle d'orgueil et d'arrogance, il refuse d'accepter la solution qui vient d'Allah. Parce qu'il veut hein, s'enfoncer encore plus dans son égarement et dans son désordre, par fierté, par arrogance. Donc, alhamdoulilah, que Allah nous a guidés à la foi, que Allah a ouvert nos cœurs à la réalité de l'islam, et qu'il nous a guidés vers ce qui est le mieux pour nous dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'il nous raffermisse nos cœurs sur cette voie. Yani, tu vois aujourd'hui que c'est ça qui se passe. Les gens, ils voient le bien comme étant le mal et le mal comme étant le bien. Et qu'est-ce qui m'a un exemple de ça ces dernièrement, les koufars par exemple, qui critiquent le fait que les musulmans égorgent les bêtes ou les animaux pour les manger et qu'ils les égorgent au nom d'Allah et qu'ils ne font pas et qu'on appelle à ne pas électrocuter les animaux. Alors ils disent que nous on n'a pas de miséricorde envers les animaux. Puis que qu'est-ce qu'on fait, c'est cruel envers les animaux. Et moi, je me demande, est-ce que ces gens-là, ils ont réfléchi hein? Est-ce que l'un d'entre eux s'est déjà pris le doigt dans le grille-pain ou bien le doigt dans une prise électrique pour voir qu'est-ce que ça fait et pour voir est-ce que c'est une miséricorde de se faire électrocuter hein? Donc ils disent nous on a plus de miséricorde parce qu'on électrocute un animal pour le saisir avant de le tuer. Comme ça, il ne va pas sentir. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça fait, l'électrocution hein? C'est pas pour rien pourquoi ils tuent les gens avec des chaises électriques hein? Est-ce que ça fait du bien à la personne quand elle se fait électrocuter? Est-ce que ça, c'est de la miséricorde? Franchement, c'est des gens, ils voient le monde à l'envers. Et ils critiquent les musulmans pour ça. Hein? Tandis que la façon, la méthode que l'islam a enseignée par rapport à l'abattage des animaux, c'est la méthode la plus miséricordieuse. C'est celle qui ne procure aucune douleur à l'animal, puisque la lame est bien aiguisée et qu'on coupe les veines jugulaires qui font sortir tout le sang, qui abreuve le cerveau, qui fait que l'animal, elle perd connaissance avant même de savoir qu'elle est morte. Hein? Donc, elle ne ressent pas de douleur. Il n'y a pas de cruauté là-dedans. Mais bien entendu, ces gens-là, ils sont aveuglés par leur arrogance et leur fierté. Hein? Ils refusent de reconnaître la sagesse qui vient d'Allah. Et c'est pas un jugement, l'abattage islamique, c'est pas un jugement qui vient des hommes qu'on a choisi nous-mêmes. C'est quelque chose qui a été révélé par le créateur de l'univers, par le maître des animaux, le maître de la création tout entière. Et c'est lui qui s'est décrit dans son livre comme étant Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, Arrahmanur Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comment par la suite une créature parmi ces créatures peut venir essayer d'accuser sa loi et ses jugements d'être injuste et prétendre être plus miséricordieux que son créateur? Hein? Ça, c'est pas la plus grande des insolences. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle on doit réfléchir et faire réfléchir ces gens-là aussi, pour qu'ils puissent hein, revenir à la raison et comprendre l'absurdité dans laquelle ils sont. Ensuite, le Cheikh Rizwa Mouna Sabatul Ayatil Bab, donc on a expliqué ça déjà, les points qu'on peut tirer de ce verset, Ma yustafadu minha awwalan at-tahdhiru min tahkim an-nuzum wal-qawanin al-mukhalifati lish-shari'ah. C'est-à-dire la mise en garde contre le fait de juger par les systèmes et les lois ou le droit qui contredit la charia. وَإِنِ اتَّعَى أَصْحَابُهَا أَنَّ قَصْدَهُمُ الْإِصْلَاحِ. Même si les gens qui appellent à ces choses-là ont de bonnes intentions. Même si ceux qui appellent à ces choses-là ont de bonnes intentions. Hein? Subhanallah. Il y a plein de problèmes dans les sociétés qui se produisent dans les pays musulmans parce que ça, parfois certaines lois de l'islam n'ont pas été appliquées. parce qu'on s'est détourné de certains aspects de la sunna. Et pour réparer ces erreurs, ils essaient de les réparer en faisant d'autres lois, hein, contraires à la sharia, pour réparer les premières erreurs. Et ils ne font en faisant ça que s'enfoncer encore plus dans les erreurs. Hein. C'est comme essayer de corriger une faute par une autre faute. Au lieu de se repentir à Allah et de revenir à son jugement et d'appliquer la loi d'Allah dans tous les aspects de la vie pour que la société soit en harmonie et que les choses soient réglées. Et que quand il y a un problème qui se présente, qui est nouveau, on puisse retourner aux ulama de l'islam pour qu'ils jugent dans ces questions-là selon ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna pour avoir une réponse à ces problèmes selon qu'est-ce qui est dans la révélation. Ça c'est la position, ça c'est l'attitude qu'on doit adopter si on veut avoir le succès dans cette vie et dans l'au-delà. J'ai dit comme deuxième point, anna da'wa al-islah laysat bi'uzrin fi tarki ma anzal Allah. Le fait de prétendre, le point numéro 2, c'est que le fait de prétendre la réforme, ce n'est pas une excuse pour abandonner ou délaisser le jugement d'Allah. Le point numéro 3, at-tahdhir min al-i'jab bil-ra'y. La mise en garde contre le fait d'être ébloui soi-même par son opinion. Le point numéro 4, anna marid al-qalb yatasawwar al-haqq batilan wa al-batil haqqan. Le point numéro 4, c'est que la personne qui a une maladie au cœur, qui est malade dans son cœur, elle considère ou elle a une conception qui est renversée de la vérité et du faux. Elle voit le faux comme étant vérité et elle voit la vérité comme étant fausse. Le point numéro 5, anna an-niyyat al-hasana la tusawwiru mukhalafat ash-shara. C'est-à-dire que la bonne intention ne légitimise pas la contradiction de la charia. Le fait que quelqu'un prétende avoir une bonne intention, ça ne rend pas légitime le fait de contredire la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point très important aussi. Ensuite le cheikh il mentionne un autre verset, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne le verset verset 56 dans sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. C'est-à-dire ne semez pas le désordre sur la terre après sa réforme. Le cheikh explique ce verset là en disant la nahiya la wa la tufsidu, c'est un la d'interdiction. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est pour interdire. Qu'est-ce qui suit? Tufsidu fil ard, c'est-à-dire hein, qu'il interdit de faire le désordre sur la terre. Et il dit bishirki wal ma'asi, c'est-à-dire en faisant le shirk, en associant des partenaires et des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et en faisant des actes qui sont des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da islahiha ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. C'est-à-dire après qu'elle ait été réformée, c'est-à-dire par l'envoi des messagers, des prophètes, et par la révélation des différentes règles et par l'application des différents actes d'obéissance d'Allah. Donc une fois que ça a été établi, hein, les messagers ont été envoyés, la charia a été révélée et les bonnes œuvres ont été appliquées, il ne faut pas ramener du désordre sur la terre en faisant du shirk, en faisant des péchés sur la terre. Le cheikh dit al-ma'na al-ijmali lil-aya yanha Allah subhanahu 'ibadahu 'an al-ifsad fi al-ard bil ma'asi wa du'a' ila ta'ati al-makhluqin fi ma'siyati Allah ila ta'ati al-makhluqin fi ma'siyati Allah. Pardon. بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية الخالق بعد إصلاحه سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي أعظم فساد في الأرض. Donc le Cheikh explique le sens général de ce verset-là. Il dit que Allah interdit, subhanahu wa ta'ala, à ses serviteurs de faire le désordre sur la terre en commettant des désobéissances et des péchés, en appelant à obéir aux créatures dans la désobéissance du Créateur. Après que la réforme ait été faite sur la terre, en ayant envoyé sur terre des messagers et en ayant clarifié la législation divine et en ayant invité à l'obéissance d'Allah. Donc une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas ramener le désordre sur la terre par les péchés et l'obéissance dans le péché, l'obéissance des créatures dans le péché. Parce que le fait d'adorer d'autres qu'Allah, faire le shirk, d'appeler les autres à faire le shirk, et de faire de l'injustice et des péchés, ça fait partie des plus grandes formes de désordre sur la terre. Donc ça, c'est des choses très importantes à comprendre, que tout ça, c'est du désordre. Et les gens aujourd'hui qui appellent à la laïcité, qui appellent à la démocratie, en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire le désordre sur la terre après qu'elle a été réformée, après que les messagers ont été envoyés. Parce qu'ils sont en train de dire aux hommes, on n'a pas besoin de Dieu. Ils sont en train de dire aux hommes, on n'a pas besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous dire quoi faire. On n'a pas besoin d'Allah pour nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. On n'a pas besoin d'Allah pour ça. On n'a pas besoin d'un prophète, d'un messager. On n'a pas besoin d'un livre révélé, d'un Coran. On n'a pas besoin de la sunna pour nous dire ce qui est halal et ce qui est haram. Pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, on peut le faire nous-mêmes et on peut décider nous-mêmes et on peut choisir ça nous-mêmes par le vote, par les lois, par la démocratie, par le parlement et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ces choses-là représentent des formes de kufr et de shirk. Et c'est pour ça que l'islam rejette ces choses-là. Maintenant, comment des islamistes aujourd'hui prétendent qu'ils peuvent employer ces choses-là comme moyen pour établir la loi d'Allah, alors que ces choses-là, à la base, sont établies par les kuffars pour opposer tout ce qui vient d'Allah et rejeter tout ce que Allah a révélé. C'est la preuve que ces gens-là n'ont rien compris, soit de l'islam, ou soit des lois des kuffars et de leur système, ou soit des deux. Allah al-Musta'an. Munasabatul ayati lil-bab. Pour quelle raison on mentionne ces choses-là dans ce chapitre? Pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre? Le Cheikh il dit anna man yad'u ila at-tahakum ila ghayri ma anzala Allah faqad ata bi'azami al-fasad fi al-ard. Le contexte, c'est que la personne qui, pourquoi on parle de ça dans ce chapitre, de faire le désordre après la réforme sur la terre, c'est parce que la personne qui appelle à juger par autre que la loi d'Allah, alors c'est lui qui amène le plus grand désordre sur la terre. Comme on a dit, il appelle au désordre, pourquoi? Parce que les hommes auparavant étaient satisfaits du jugement d'Allah, et ils retournaient au jugement d'Allah, et quand ils voulaient savoir une loi ou quelque chose, ils retournent au Coran, et ils retournent à la Sunna, et tout le monde est satisfait de ça. Parce qu'on est des mu'minines, parce qu'on est croyants. On sait que telle chose c'est halal, on le fait. On sait que telle chose est wajib, on le fait. On sait que telle chose est haram, on s'en écarte. On sait que telle chose est mauvaise, on ne le fait pas. Parce que Allah l'a dit. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et on ne discute pas les ordres d'Allah, on est satisfait de ça. Mais après, ils sont venus, ils ont dit aux gens non. Laissez de côté le Coran, laissez de côté la Sunna. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin d'un messager. On peut le faire tout seul. On peut choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais par nous-mêmes, sans Dieu, sans Coran, sans Hadith. Même s'ils ne vont pas le dire ouvertement de cette façon, même s'ils ne vont pas l'admettre parfois, ils ne vont pas dire ça de cette façon-là, ils vont chercher un autre moyen pour le dire indirectement. Mais la réalité de ce qu'ils font, c'est ça. C'est de faire en sorte que les gens s'écartent de la foi en Allah et cessent de retourner à Allah et à son messager comme juge. Pour que les gens disent, on va choisir nous-mêmes ce qui est halal et ce qui est haram. Et une fois que les gens ont mis de côté la révélation d'Allah, c'est là que le désordre commence. Parce que là, ils vont essayer de dire aux gens, mais tout le monde est libre. Si vous voulez suivre votre religion, vous pouvez. Et si vous voulez suivre autre, vous pouvez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne n'a les mêmes références pour savoir qu'est-ce qui est bien et mal. Et que la référence suprême, celle qui est au-dessus de tout le monde, c'est quoi? C'est le Tarout. C'est les lois qui contredisent la révélation. Et les lois individuelles que les personnes peuvent choisir individuellement dans leur vie personnelle, hein, sur le plan moral, ils peuvent juger selon leur religion. Sauf que ça n'a aucune influence dans la société. Ça veut dire que c'est seulement entre toi et ta petite conscience, qu'est-ce que tu peux faire. Mais ça n'influence pas rien dans qu'est-ce qui est dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les hommes sont dans le désordre. Un dit ça c'est bien, l'autre dit non ça c'est mal. Un dit moi je suis d'accord avec toi, l'autre dit non je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a chacun des différentes références. Et il n'y a plus rien qui tient dans la société. Et la personne qui a ramené ça, à la base c'est le shaitan, c'est le diable. Et ceux qui le suivent, parmi les shayatin al-ins qui sont satisfaits du désordre, et qui veulent profiter de ce désordre, soit pour leur intérêt personnel, pour se remplir les poches, ou pour égarer les hommes, ou pour simplement par méchanceté, ou bien pour d'autres raisons aussi, parmi les raisons d'égarement. Hein? Mais s'ils reviennent à la loi d'Allah, hein, et qu'on interdit le shirk, qu'on interdit le kufr, qu'on interdit les autres péchés, comme le riba et le zina et les autres choses, on voit que l'ordre revient à la société. Les choses se réétablissent. Hein? Et la paix, la tranquillité et la stabilité revient dans la société. Ceux qui aiment le désordre, ils ne sont pas satisfaits de ça. C'est pour ça qu'ils combattent, hein, la charia. Et tous les groupes et les individus qui utilisent des groupes de manifestations comme les partis communistes ou socialistes ou bien autres, ils sont tous en train d'essayer de dénoncer certaines injustices qu'ils voient dans la société. Mais ils passent complètement à côté de la base de l'injustice absolue et totale qui est le shirk avec Allah et le rejet de sa loi et de sa législation. Donc ils essaient de rejeter certaines injustices sur le plan économique parfois qui sont, il y a des injustices qui sont créées parce que les hommes se sont parfois détournés de la religion d'Allah. Hein, eh bien, eux, ils enfoncent encore plus l'injustice en écartant encore plus les hommes de la voie d'Allah. Hein, et appeler les hommes de plus en plus au kufr en se détournant encore plus de la loi d'Allah en disant non, on n'a pas besoin de Dieu. La religion, c'est l'opium du peuple. Hein, et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des ruses du shaitan. Et derrière ça, il y a les juifs, les chrétiens, les athées, les laïcs, les communistes, les socialistes et tous les autres groupes. Des garments qui existent, qui veulent appeler à l'égarement et qui appellent les gens à se détourner du jugement d'Allah. Hein? Et combien ils sont nombreux, Allah Musta'an, même parmi les gens qui sont dans les pays musulmans qui ont été influencés par ces systèmes et ces idéologies-là, malheureusement, hein? Et qui veulent appeler les gens à se détourner de la révélation. Le Cheikh il dit, Munasabatul Ayah al-Bab, on l'a mentionné, et les points qu'on peut tirer de ce verset, An al-Ma'asi ifsad, hein, ifsadun fil ard. Les péchés, c'est du désordre, c'est de faire le désordre sur la terre, de corrompre la terre. Le point numéro 2, At-ta'atu islahun lil ard. Le fait de faire l'obéissance d'Allah, d'établir l'obéissance d'Allah, ça, c'est la réforme de la terre, c'est qu'est-ce qui ramène du bien sur la terre. Et les péchés qu'on fait, ça a un effet direct sur la terre elle-même et sur tout ce qui sort de la terre comme fruits et comme arbres et comme produits. Les péchés qu'on fait, c'est pas seulement un effet spirituel, ça a un effet réel et physique aussi sur la terre qui nous entoure. Hein? Donc les gens ils négligent ces choses-là, mais il y a un livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'appelle Ad-Da' ou Ad-Dawa', la maladie et le remède. Et dedans il mentionne jusqu'à 99 effets de nos péchés parmi les effets des péchés. Et parmi ces effets-là, il mentionne cette cause-là, cette chose-là. Le point numéro 3. « Anna tahkima ghayr ma anzal Allah ifsadun fil ard » De juger par autre que la loi d'Allah, c'est quelque chose qui amène du désordre sur la terre. Et « Islah al-Bashar » wa anna salah al-Bashar » وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله. Le désordre, la réforme sur la terre et la réforme, le fait de réforme, qu'est-ce qui ramène la réforme de l'homme et qu'est-ce qui ramène le bien de l'homme sur la terre, c'est ça ne peut pas être autre chose que par le fait de juger par ce que Allah a révélé. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on va continuer la suite de ça, Inch'Allah, au prochain cours. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Parce qu'il y a une conférence à Toronto, il y a les frères de Birmingham qui viennent. Donc moi, Inch'Allah, je vais partir à Toronto, là-bas, Inch'Allah, bienvenillah. Donc, je ne pourrai pas faire le cours. Toutefois, la semaine d'après, on va reprendre. Puis le cours d'hier, qui n'a pas été fait hier, il va être remis. Inch'Allah, on va le faire demain, bi'idhnillah. Ok? Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.